Chapitre 15e, les soupçons. Dans les petites localités, la nouvelle d'un événement, si dénué d'intérêt qu'il soit, circule et se colporte avec rapidité, à plus forte raison lorsqu'il s'agit d'un événement grave. Une heure après le départ de Martin Thibault, la mort subite de Mademoiselle de Lavernay était l'objet de toutes les conversations des habitants du village de Saint-André. Le bruit de cette mort, semé par le cocher du baron en quête du médecin, parvint bientôt jusqu'au chalet de Sir John Colfax, où se trouvait en ce moment le bonhomme Truaz. Flavia échangea un regard significatif avec l'Américain. Quant au marchand de bois, il dit, en clignant de l'œil, que cette mort ne le surprenait pas, et que depuis longtemps, il avait un secret pressentiment que Mademoiselle de Lavernay passerait inopinément de vie à trépas. « Hein ? Vous aviez prévu cette mort ?» lui dit l'ex-institutrice en le regardant fixement. Le bonhomme parut troublé, balbutia quelques mots vagues, mais rien ne put lui arracher sa pensée intime. Après tout, reprit John Colfax, cette mort est une bonne affaire pour vous. Le baron vous remboursera ce qu'il vous doit. Savoir, murmura Truaz pensif, puis l'ajouta. Pourvu que sa sœur n'ait pas fait de testament. Bon, vous serez toujours remboursé puisqu'il a assuré la vie de Mademoiselle de Lavernay. Faudra voir, repartit l'avare. Les compagnies d'assurance sont si regardantes. Elles vous cherchent toutes sortes de chicanes pour ne pas payer la prime. Enfin, qu'il vivra verra. Truaz, il était facile de s'en apercevoir, ne se sentait pas à son aise. Il avait peur de trop parler et de compromettre ainsi son débiteur. Il prétexta une affaire et se retira. À peine fut-il parti que Flavia traça à hâte quelques mots sur un papier, puis elle sonna scabieuse. La jeune négresse accourut. « Cette dépêche à la station de Rumilly, » lui dit sa maîtresse. Scabieuse prit aussitôt sa course. « À qui donc écrivez-vous ? » demanda Sir John Colfax à Flavia. « Au docteur Cavarox. Je lui recommande de quitter Genève sur le champ, afin de venir constater, en sa qualité de médecin délégué de la compagnie anglaise qui assurait la sœur du baron, si la mort de cette vieille fille est naturelle, ou si elle ne serait pas le résultat d'un crime. « Je comprends, » fit l'Américain. Le fils m'a fait condamner, moi innocente, comme empoisonneuse, reprit Flavia. Si son père est coupable, Maurice subira la peine du talion dans la personne de son père. La mode américaine est plus équitable. Elle ne frappe que les criminels. Elle épargne les enfants, dit Colfax. Si le baron a tué, et il a tué, il doit être puni, répondit la jeune fille avec une sombre énergie. D'ailleurs, ne m'avez-vous pas laissé mon père, toute liberté dans ma vengeance? Monsieur de Lavernay demeurait dans la chambre à coucher avec sa sœur morte et Brigitte évanouie, les regarda toutes les deux pendant quelques minutes sans prononcer un mot. Ensuite, il prit de l'eau fraîche et humecta les tempes et le visage de la servante qui, peu à peu, sortit de son évanouissement. Elle promena autour d'elle les yeux étonnés, sans se rendre compte d'abord de ce qui s'était passé. Puis la mémoire sembla lui revenir. « Ai-je rêvé ? » demanda-t-elle avec anxiété au baron. « Hélas, non. » répondit-il, « ma pauvre Athénaïs est morte. » Et il porta hypocritement la main à ses yeux, comme pour essuyer une larme qui ne venait pas. Brigitte se releva, examina longuement la face marmoréenne de sa maîtresse, et se tournant vers monsieur de Lavernay, « Voyez donc ses yeux tout grands ouverts, et qui semblent épouvantés, murmura-t-elle, on dirait qu'elle a vu venir la mort. » Le baron suivit la direction des regards de Brigitte, et il frissonna. Il faut lui fermer les yeux, dit-il en s'approchant du lit. La vieille servante, commue par un ressort, se dressa devant lui. « Vous ne toucherez pas ma maîtresse avant l'arrivée de la justice » répliqua-t-elle d'une voix menaçante. « La justice doit la voir telle que la mort l'a prise. »« La justice ?» s'écria le vieux gentilhomme, devenu pâle tout à coup. « Et qu'a-t-elle à faire en tout ceci ?» Athénaïs a été frappée d'apoplexie ou elle a succombé à la rupture d'un anévrisme. « C'est le médecin qui se prononcera là-dessus, » reprit Brigitte. « Mais jusqu'à ce qu'il soit venu, personne, pas même vous, n'approchera de ma pauvre chère maîtresse. » Le baron comprit qu'il serait imprudent d'insister. « On me préviendra lorsque le médecin sera arrivé, » dit-il, et il s'éloigna. Brigitte, après le départ de monsieur de Lavernay, s'assit au chevet du lit de la morte, et les yeux fixés sur son pâle visage, elle semblait abîmée dans sa douleur. De grosses larmes coulaient sur ses joues, et parfois elle se penchait sur la bouche d'Athénaïs, dans l'espoir d'y surprendre un souffle d'existence. Et toujours, cet espoir était déçu. Hier encore, murmura-t-elle, elle était pleine de santé, et en quelques heures. Non, non, cette mort n'est pas naturelle. Elle réfléchit de nouveau. Mais alors, on l'aurait donc assassinée, se dit-elle. Elle souleva la couverture et regarda longuement et attentivement le cadavre. Nulle trace de violence, poursuivit-elle, et un assassinat laisse des traces. C'est incompréhensible. Et pourtant, ses yeux tout grands ouverts, cette expression de terreur indique la présence d'un assassin. Mais quel était-il? Les circonstances qui avaient précédé cette mort foudroyante lui revinrent tout à coup en mémoire. Elle se rappela, et le goût étrange du potage, et le sommeil invincible qui s'était emparé d'elle aussitôt après l'avoir pris. Un soupçon traversa son cerveau. « Lui ? » fit-elle. « Ah non, non, ce serait trop horrible. Et cependant... » Mais si c'était lui, que faudrait-il faire ? Elle fut saisie, en s'adressant à cette question terrible, d'un tremblement nerveux, et son sang se glaça.